بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous poursuivons بإذن الله تعالى dans ce quatrième cours de cette série de lecture du commentaire de l'imam Muhammad, de l'imam Abdel Aziz Ben Baz sur l'épître des trois fondements principaux de l'imam Muhammad Ibn Abdel Wahhab rahimahullah. On avait lu dans ce qui a précédé les trois introductions qui ont été rajouté à ce fascicule par des élèves de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah pour leur intérêt et pour compléter la faïda du livre. Et on a vu que la première introduction consiste à connaître les quatre points très importants, à savoir l'ilm, l'amal, l'da'wa, au sabr. Ensuite, la deuxième introduction consiste à connaître trois points pour tout musulman et musulmane. Dans le résumé de ces trois points, la première est l'unicité d'Allah dans la seigneurie, et la deuxième est une implication de ce premier point, à savoir unifier Allah dans la divinité. Car celui qui l'a unifié dans la seigneurie, il doit l'unifier dans la divinité. Celui qui a reconnu en Allah Azza wa Jal l'unique seigneur et pourvoyeur et gestionnaire de toute sa création, il doit l'adorer seul et lui vouer un culte exclusif. Et la troisième, donc la première, c'est l'unicité de la seigneurie. La deuxième est une conséquence de l'unicité de la seigneurie, à savoir l'unicité dans la divinité. Et la troisième, c'est une des obligations de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, à savoir cette notion extrêmement importante et fondamentale dans l'islam, qui représente l'anse la plus solide de la foi, le lien le plus fort qui nous lie Allah Azza wa Jal, à savoir aimer en Allah et détester en Allah. L'alliance et le désaveu. Et la troisième introduction est une introduction dans laquelle l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab a expliqué le tawhid d'une manière concise et a expliqué également son opposé qui est ash-shirk. Et là, cette soirée, bi'idhnillah, nous allons commencer les trois fondements. Il a dit, rahimahullah, فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته هو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. Avant de commencer, il y a un point que je tenais à rappeler pour son importance, qui est la mémorisation des moutounes, et surtout les moutounes comme celui-là, avec lequel tu rectifies ta aqida. C'est important de le mémoriser. Et il y a beaucoup de bienfaits dans la mémorisation. Et il y a beaucoup d'intérêt dans la mémorisation des moutounes. Et surtout, pour mes frères et sœurs qui débutent dans l'apprentissage de la langue arabe, ça te permet d'enrichir ton vocabulaire avec des mots qui font partie de l'aqida, Et également, ça t'aide à toujours avoir en tête les arguments de Tawhid. Et ça, c'est fondamental et capital. Et en plus, cette risale, elle est assez facile pour celui qui mémorise et qui souhaite la mémoriser. Il peut mémoriser à chaque fois un petit paragraphe ou même un demi-paragraphe. 2-3 lignes, ça suffit par jour. Même une ligne, c'est suffisant. Mais le plus important, c'est la continuité et la constance. Et de toujours mémoriser cette ligne, quoi qu'il arrive, dans une journée, il faut que tu la mémorises. Et surtout encore, plus important que la mémorisation, la révision. De réviser ce que tu as mémorisé. Qu'Allah me le facilite et vous le facilite à tous. Vous savez très bien la parole de l'imam Az-Zuhri, la montagne de mémorisation. Un imam parmi les grands imams de Tabi'in, Jabal al-Hifz. On le décrivait comme ça. Une montagne de mémorisation. Qui est parmi les imams, parmi les chouyours de l'imam Malik, rahimahullah. Az-Zuhri, rahimahullah. Certains de ses élèves, quand ils ont vu la largesse de sa mémorisation, et combien de choses il mémorise, cet imam, ils lui ont dit, comment t'as fait pour mémoriser tout ça? La réponse est logique pour certains, et ça peut sembler étonnant pour d'autres. Pour d'autres qui se font leurrer par Shaitan, qui leur montre que Talab al-Ilm, c'est réservé à une élite, c'est réservé à des gens qui ont réuni des conditions. Talab al-Ilm, c'est pour tout musulman et muslima. Et en particulier, l'ilm avec lequel tu réformes ton aqida. L'ilm duquel dépend ta destinée finale, le paradis ou l'enfer. Donc sa réponse était quoi? Il a dit, rahimahullah, al-hadith ou al-hadithan. Je mémorisais un hadith, et des jours je mémorisais deux hadiths. Mais avec une constance. Si tu mémorises un hadith par jour, déjà, ça te fait, tu peux mémoriser presque 400 hadiths en une année. Et quand on voit que beaucoup de nos frères qui ont 10 ans dans l'istikhana, ils n'ont pas encore mémorisé l'arba'in nawawiyya, 40 hadiths. Donc, ceci, c'est pour me motiver et motiver mes frères à mémoriser. Car il n'y a pas de science sans mémorisation. Il n'y a pas de ilm sans hifz. Il n'y a pas de ilm sans hifz. Certes, la compréhension est fondamentale et importante, mais il faut la mémorisation. Et la mémorisation, quand on commence à mémoriser, c'est difficile, c'est lourd. On prend très peu, et on mémorise très peu. Mais c'est comme un muscle. À force de faire des efforts, ça se développe. Et ses capacités augmentent au point, il y en a certains parmi les frères ou des sœurs qui arrivent à mémoriser rub' du Coran par jour ou la moitié d'un hizb par jour. Qu'Allah nous facilite les voies de la science bénéfique et profitable. Il nous aide à mettre en pratique ce que nous apprenons. Donc, il a l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah a dit, si on te demande quels sont les trois principes fondamentaux que toute personne doit connaître, répond, le serviteur doit connaître son Seigneur, sa religion, son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi de suite. Le commentaire de l'imam Abdelaziz bin Baz rahimahullah. هذه الأصول الثلاثة التي تجمع الدين كله من ربك وما دينك ومن نبيك وهي التي يسأل عنها العبد في قبره. Il dit ces trois fondements principaux qui englobent toute la religion. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Et au sujet desquels le serviteur sera interrogé dans sa tombe. Ce sont les questions de la tombe sur lesquelles chacun sera interrogé, sauf ceux dont Allah Azza wa Jalla a fait exception, comme le martyr et ainsi de suite. Ensuite, il a dit فَإِذَا سَأَلَ سَائِلٌ فَقَالَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمَتِهِ وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ هَذَا رَبُّ الْجَمِيعِ كما قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين. Si quelqu'un t'interroge, il te dit quel est ton Seigneur? Dis mon Seigneur, c'est Allah. Dis mon Seigneur, c'est Allah. Mon Seigneur, c'est Allah, c'est lui qui m'a éduqué et c'est lui qui m'a accordé tes bienfaits. Ainsi il a fait avec tout le monde. Ainsi il a fait avec tout le monde et c'est lui mon adoré, je n'ai pas d'adoré en dehors de lui. Ça, c'est le Seigneur de tout le monde. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Donc le Seigneur des mondes, c'est Allah. والعالمون جميع المخلوقات كلهم عالمون الجن والإنس والبهائم والجبال والأشجار كلها عالم اي العالمون le pluriel de عالم c'est toutes les créatures ce sont des mondes, le monde des djinn, des humains, des bétails, le monde des montagnes, le monde des arbres, toutes, c'est des mondes. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard fi sittati ayyam, khalaqa as-samawati wal-ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh, yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathitha والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Donc Allah Azza wa Jal, c'est le Seigneur de toutes ces choses-là, des djinns, des humains, des bêtes, des montagnes, des arbres. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, votre Seigneur c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi au-dessus du trône, il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, tous soumis à son commandement, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Béni soit Allah, le Seigneur des mondes. فهو رب الجميع له الخلق وله الأمر وهو المستحق بأن يعبد ولهذا قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهو معبودي ليس لي معبود سواه. Donc il est le Seigneur, ainsi Allah عز وجل est le Seigneur de tout le monde. C'est à lui qu'appartient la création et le commandement. C'est lui qui mérite d'être adoré. C'est pour ça que je le dis dans le sens du verset. Ô homme, adorez votre Seigneur. Ô homme, adorez votre Seigneur. C'est lui mon adoré. Je n'ai pas d'adoré en dehors de lui. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. La louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes. C'est-à-dire الثناء كله لله والعبادة من الثناء ومن الحمد. Qu'est-ce que ça signifie الحمد لله رب العالمين? Ça signifie que les éloges et les louanges toutes appartiennent à Allah et la louange fait partie de l'adoration. Afwan. Et l'adoration fait partie de la louange et de l'éloge. L'adoration fait partie de la louange et des éloges qui doivent être voués à Allah seul. وكل ما سوى الله عالم من الجن والإنس والحيوانات والجبال كلها عوالم وأنا واحد من ذلك العالم الذي خلقه الله وأوجده وأوجب عليه طاعته فعلى جميع العالمين من المكلفين من الجن والإنس أن يطيعوا الله ورسوله ويوحدوه جل وعلا. Et tout ce qui est en dehors d'Allah fait partie de ce monde, fait partie de ce monde, parmi les djinns et les humains et les animaux et les montagnes, toutes ce sont des mondes. Et moi je suis un de ce monde qu'Allah a créé et auquel Allah a donné existence et il lui a rendu obligatoire de l'adorer et de lui obéir. Donc tout le monde, parmi tout le monde, parmi les responsables, doivent adorer Allah. Tout le monde parmi les responsables, que ce soit parmi les djinns ou les humains, doivent obéir à Allah et son messager et l'unifier, qu'il soit glorifié. Ensuite, il a dit, rahimahullah, « وهكذا الملائكة عليهم أن يعبدوا الله وحده ولهذا قال الله تعالى عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. » Également, en ce qui concerne les anges, ils doivent également adorer Allah seul. C'est pour ça que Allah a dit des anges, ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et font strictement ce qu'on leur ordonne. Il a dit dans l'autre verset, « La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maloun » يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Ils ne devancent pas son commandement, le commandement d'Allah, et agissent selon ses ordres. Il sait ce qu'il y a devant et derrière eux, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés, tout en étant pénétré de sa crainte. Tout en étant rempli de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, il a dit, فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Si on te dit, comment as-tu connu ton Seigneur? Réponds, par tes signes et par ses créatures. Et parmi ces signes, la nuit et le jour, le soleil et la lune, et parmi ces créatures, les sept cieux et les sept terres, ceux qui les peuplent, et tout ce qui se trouve en leur sein. Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, a dit, يقول رحمه الله إذا قيل لك أيها المسلم بما عرفت ربك الذي أنت تعبده فقل عرفته بآياته ومخلوقاته أي عرفته بآياته الكثيرة وبمخلوقاته العظيمة التي تدل على أنه الرب العظيم وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق لأن يعبد وأنه الذي يخلق ما يشاء ويعطي ويمنع وينفع ويضر بيده كل شيء. Il a dit, rahimahullah, si on te dit, ô musulman, comment as-tu connu ton Seigneur, celui que t'adore, dit, je l'ai connu par ses signes et par ses créatures. Je l'ai connu avec ses par ses nombreux signes et par ses créatures immenses et par ses créatures immense et magnifique, qui démontre qu'il est le Seigneur immense, qu'il est le Seigneur l'immense, et qu'il est le Créateur l'omniscient, et qu'il est le seul qui mérite qu'il soit adoré, et qu'il est celui qui crée toute chose, et qu'il est celui qui crée toute chose, et que c'est lui qui donne et qui prive, qui accorde un bénéfice ou qui cause du tort, et qu'il possède toute chose, subhanahu wa ta'ala. فهو المستحق بأن نعبده بطاعته ودعائه واستغاثته وسائر أعمالنا وعباداتنا لأن الله خلقنا لهذا قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذه العبادة هي توحيده وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه قولا وعملا. Celui qui mérite qu'il soit adoré et obéi et invoqué et implorer, et à lui qu'on doit demander le secours, et toutes nos œuvres et nos adorations doivent être vouées à lui, car Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a créés. C'est pour ça Allah Azza wa Jal a dit, dans le sens du verset, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et cette adoration pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous a créés, c'est son unicité et son obéissance et le suivi de sa législation et la vénération de ses ordres et de ses interdits dans nos paroles et dans nos actes. والدليل على معرفة الله بآياته قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. Et la preuve sur ce qui a précédé réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Parmi ses signes, la nuit et le jour, et le soleil et la lune. Cheikh Hadi Rahimahullah, tout ça indique qu'il est le Seigneur des mondes. et qu'il est le créateur, l'omniscient. C'est lui qui ramène la nuit avec ses ténèbres. Qui ramène la nuit avec ses ténèbres. Et qui fait disparaître le jour avec sa lumière. Et ensuite, il ramène la nuit, il fait disparaître, et il ramène le jour, il fait disparaître la nuit. وهذه الشمس تطلع على الناس في الدنيا كلها وينتفعون بها وهذا القمر كذلك في الليل وغير هذه من الآيات العظيمة كالأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وأشجار وحيوانات وهذه السماوات التي يراها الناس كلها من آيات الله من آياته الدالة على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق للعبادة ولهذا قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون Donc, ce soleil qui s'élève, ce soleil qui s'élève pour donner de l'éclairage pour toute la dunya et le bas monde, et qui est profitable, et qui rend ce bas monde profitable pour les gens. Sans cet éclairage, ça n'aurait pas été le cas. Et cette lune également dans la nuit, il y a des signes grandioses et immenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également la terre, ainsi que tout ce qu'elle contient, comme montagnes et fleuves, et mers, et arbres, et animaux, et également les cieux que les gens voient. Tout ça fait partie des signes et des preuves sur la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est le Seigneur des mondes, et qu'il est le Créateur, l'Omniscient, et qu'il est celui qui mérite l'adoration. C'est pour ça que Allah a dit, dans le sens des versets, parmi ces signes, la nuit, le jour et le soleil et la lune, ne vous prosternez pas devant le soleil ni devant la lune, et prosternez-vous, ne vous prosternez pas au soleil ni à la lune, mais prosternez-vous à Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. C'est-à-dire, il dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, la ta'budu hadhihi al-makhluqat, n'adorez pas ces créatures. بل اعبدوا الذي خلقها واوجدها سبحانه وتعالى mais adorez celui qui les a créés et qui lui a donné existence à partir du néant. C'est lui qui mérite que le serviteur fasse preuve d'humilité et d'obéissance à ses ordres et de délaissement de ses interdits, tout en le vénérant et en le purifiant de tout défaut et de tout manquement, par crainte de lui, et en espérant ce qu'il y a auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, par crainte de son châtiment, et par espoir de sa récompense et sa rétribution, subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu, إن ربكم الله يعني إن ربكم أيها العباد من الجن والإنس هو الله إن ربكم الله، يعني إن ربكم أيها العباد من الجن والإنس هو الله، وربكم يعني خالقكم، وهو معبودكم الحق وحده لا وهو معبودكم الحق وحده لا شريك له. قال تعالى: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي ثم ارتفع على العرش وعلى فوقه سبحانه وتعالى. Dans le verset, votre Seigneur c'est Allah. C'est-à-dire, c'est lui votre Seigneur, ô serviteur, parmi les djinns et parmi les humains. C'est Allah. Votre Seigneur signifie votre Créateur et votre adoré en vérité. Seul, sans associé. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, Après inna rabbakumullah, il a dit alladhi khalaqa as-samawati wal-ard. Après avoir dit votre Seigneur c'est Allah, il a dit qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi au-dessus du trône. S'est établi au-dessus du trône, c'est-à-dire qu'il s'est élevé au-dessus du trône. C'est ça la signification de istawa. Istawa chez les salafs, ça signifie « ala wartafa ». Il s'est élevé au-dessus du trône, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône. Et le trône, c'est la créature la plus élevée d'Allah Azza wa Jal. Au-dessus du trône, il n'y a que le Créateur. Il n'y a pas autre créature. Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône et il est plus grand que toutes ses créatures. Comme vous savez, entre parenthèses dans le hadith, le Nabi alayhi salam a décrit l'ordre de grandeur entre les créatures. Cet univers tout en entier, comparé au premier ciel, c'est-à-dire le ciel du bas-monde, c'est comme un anneau jeté dans un désert extrêmement vaste. Ça veut dire qu'il est infiniment petit. Et le premier ciel, comparé au deuxième ciel, c'est le même rapport de grandeur. Et ainsi de suite, jusqu'au septième ciel. C'est-à-dire les six cieux, ainsi que tout ce qu'ils contiennent, comparé au septième ciel, c'est infiniment petit. Et les sept cieux comparés au Kursi, car après les sept cieux, il y a le Kursi, le piédestal, le pose-pied, comme il a dit Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Et au-dessus de le Kursi, il y a Al-Ma, l'eau. Et au-dessus de l'Ma, il y a l'Arsh, wa kana arshuhu ala al-Ma, le trône au-dessus de l'eau. Et les sept cieux comparés au Kursi, c'est le même rapport de grandeur. Et le Kursi et les sept cieux comparés au Arsh, c'est comme un anneau jeté dans un désert extrêmement vaste. Et Allah Azza wa Jalla est au-dessus de l'Arsh, est plus grand que toutes ces créatures, subhanahu wa ta'ala. Et il les voit partout qu'ils soient. Rien n'échappe à sa vigilance, y compris les pas de la petite fourmi sur un rocher. Il voit, il entend ses pas. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Il entend toutes les voix. Il comprend toutes les langues. Il voit toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Pour lui, l'apparence et le cachet sont pareils. Il les voit, il les entend de la même manière. Subhanahu wa ta'ala. Al-ghayb wa shahadatu 'indahu sawa. Il voit ce que nous cachons dans notre cœur. Et il l'entend de la même manière qu'il entend ce qu'on dit avec notre bouche. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on ait quelque chose de mauvais dans notre cœur. Il faut multiplier les efforts pour réformer le qalb. Qui est mahatto nazarillahi azza wa jal. Ce qu'Allah azza wa jal voit du serviteur. Et sur lequel il sera récompensé. Et sur lequel il sera également châtié. Car c'est la base. Je ferme cette parenthèse, ensuite il a dit rahimahullah. Fa'ilmuhu fi kulli makan wa huwa fawqa al-'arsh fawqa jami' al-makhluqat wal 'arsh saqf al-makhluqat wa huwa a'la al-makhluqat wallahu fawqahu wa jalla wa 'ala istawa 'alayhi istiwa'an yaliqu bi jalalihi la yushabihu khalqahu fi shay'in min sifatihi qala ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Donc sa science il a dit rahimahullah sa science, Allah Azza wa Jalla, il est omniscient. Sa science englobe toute chose. La science d'Allah Azza wa Jalla est partout. Et par contre, par son essence, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, au-dessus de toutes ses créatures. Et l'arche, le trône, c'est le toit de toutes les créatures. C'est la créature la plus élevée d'Allah Azza wa Jalla. Et Allah Azza wa Jal s'est établi sur trône un établissement qui convient à sa grandeur et sa majesté et dans lequel il ressemble à aucune de ses créatures. Allah Azza wa Jal ne ressemble à aucune de ses créatures dans aucun de ses attributs. Et ce qu'il y a en commun entre Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal ne ressemble à aucune de ses créatures dans aucun de leurs attributs. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le verset, rien ne lui ressemble et c'est lui qui voit et entend tout. Rien ne lui ressemble dans rien. Rien ne lui ressemble dans rien. Allah Azza wa Jal ne ressemble à aucune de ses créatures dans aucune de ses attributs. Ou dans aucun de ses attributs. Yani al-mumathala. Mais il peut y avoir mushabaha dans des points. Yani pour vous simplifier la compréhension, Allah Azza wa Jal on dit qu'il est créateur. Et l'attribut, c'est la création. Allah, il crée. Et la créature également, on dit qu'elle crée. On peut appeler une créature créateur. Par exemple, quelqu'un qui a créé un nouveau modèle d'une voiture. On dit il a créé. Il n'y a pas de mal. Ni en français, ni en arabe. Allah Azza wa Jalla lui-même l'a dit dans le Coran. Il a appelé autre que lui créateur. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Béni Allah, le meilleur des créateurs. Mais la création d'Allah n'est pas comme la création de la créature. Allah s'accrée de plusieurs points de vue, mais pour ne pas s'attarder, on va citer juste un ou deux. Allah, il crée à partir du néant. La créature n'est pas capable de cela. En réalité, la création de la créature, ce n'est qu'une transformation de matière première qu'Allah Azza wa Jalla lui a mis à sa disposition. Allah il crée et il connaît les détails les plus minutieux de sa création. La créature, elle peut créer, mais il y a des choses qui lui échappent dans ce qu'elle a créé elle-même. C'est pour ça qu'elle a besoin de faire des tests, qu'elle a besoin, après un certain nombre d'années, on constate qu'il y a un défaut dans tel modèle de voiture pour rester dans le même exemple, et ainsi de suite. Donc, de plusieurs points de vue, on va trouver qu'il y a des distinctions entre l'attribut donné à Allah et le même attribut donné à une créature. Donc, comme les savants disent, ils disent « Sifatullahi taliqu bi jalalihi wa azamatihi wa sifatul makhluqi taliqu bi faqrihi wa da'fihi » Les attributs d'Allah Azzawajal convient à sa grandeur et sa majesté et sa suffisance, sa richesse et sa puissance, et les caractéristiques et les attributs de la créature conviennent également à sa pauvreté et à sa faiblesse et à son besoin. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وقال تعالى ولم يكن له كفوا احد rien ne lui ressemble et nul n'est égal à lui وقوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا اي يغطي هذا بهذا وهذا بهذا يطلبه حثيثا أي سريعا. Il couvre le jour et la nuit. Ça signifie qu'il couvre le jour par la nuit. Il couvre la nuit par le jour. Sa parole, la parole d'Allah Azza wa Jal, qui poursuit celui-ci sans arrêt, ça signifie que chacun des deux, la nuit et le jour, chacun poursuit l'autre à une grande vitesse. Chacun poursuit l'autre à une grande vitesse. إذا انتهى هذا دخل هذا وهكذا حتى تقوم الساعة. Quand l'un se termine, l'autre lui succède instantanément. Et ainsi jusqu'à l'arrivée de la fin des temps. Ensuite, الله عز وجل dit ألا له الخلق والأمر فالخلق عفوا إلى دي والشمس والقمر أي وخلق الشمس والقمر والنجوم خلقها مسخرات بأمره مطيعات مذللات لأمره إلى دي ensuite il a créé également le soleil, la lune, les étoiles soumises à son commandement, c'est-à-dire qu'il a créé le soleil, qu'il a créé la lune et les étoiles. Tous lui obéissent et sont soumis à ses ordres, subhanahu wa ta'ala. ثم قال ألا له الخلق والأمر فالخلق له سبحانه والأمر له هو الخلاق الذي لا يخالف أمره الكوني الذي هو نافذ في الناس كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. Donc, ensuite il a dit la création et le commandement n'appartient qu'à lui. Cela signifie que la création appartient à Allah et le commandement appartient également à Allah, car Allah, c'est lui le créateur que rien ne peut. C'est lui le créateur que rien ne peut que rien ne peut s'opposer à son décret et à son destin. Que rien ne peut s'opposer à ce qu'il a décrété et à ce qu'il a prédestiné, subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il a décrété, il doit se réaliser absolument. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, quand il veut une chose, son commandement consiste seulement à dire « soit et c'est ». Et dans notre verset, notre ordre est une seule parole. Il est prompt comme un clin d'œil. فتبارك يعني بلغ في البركة النهاية وهي صيغة لا تصلح إلا لله فلا يقال للعبد تبارك يا فلان هذا لا يصلح وإنما هو خاص بالله. Donc تبارك, on dit تبارك الله, c'est-à-dire que les bénédictions d'Allah Azza wa Jal sont infinies, que la baraka d'Allah Azza wa Jal est infinie. Et cette formule, on ne doit l'utiliser que vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal seul. On ne doit pas dire à une créature, à un serviteur, lui dire tabaraka un tel, tabaraka un tel, tabaraka Allah seulement. Car c'est Allah qui donne la bénédiction. Par contre, le serviteur, il est mubarak. Il reçoit la bénédiction. Mais c'est Allah qui donne la bénédiction. Toute baraka vient d'Allah Azza wa Jal. Et Allah, il a fait que certaines de ses créatures sont mubaraka. Il a placé une baraka dans certaines de ses créatures. Une baraka venant de lui. Comme l'hajar al-aswad, comme l'eau de zamzam, comme l'asal, comme le Habba Sauda, et ainsi de suite. Le Coran, sa parole, Kitab Mubarak, et ainsi de suite. Et ici, j'attire votre attention sur une erreur répandue. Quand on voit quelque chose qui nous plaît, afin de ne pas la toucher avec l'ayn, pour ceux qui savent qu'il faut faire dua avec le baraka, il y a certains parmi nos frères et sœurs qui disent Tabarakallah. Ils voient la chose, ils disent Tabarakallah. Pour pratiquer ce que le Nabi alayhi salam nous a dit. Il faut savoir qu'il n'a pas pratiqué ce que le Nabi alayhi salam nous a dit. Le Nabi alayhi salam nous a dit de faire dua avec le baraka. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a adressé des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a loué Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'a pas fait de dua avec le baraka. Donc il faut qu'il dise Allahumma barik. Allahi barik. Que ce soit en arabe littéraire ou là en dialecte, l'essentiel c'est de faire dua avec le baraka. Car le Nabi alayhi salam il a dit Faliyubarik. Dans une autre version il a dit Faliyad'u bil baraka. Et également, comme les savants n'ont mentionné, de dire « Masha'Allah ». Masha'Allah, ce n'est pas pour repousser le mauvais œil. Pour repousser le mauvais œil, c'est ce que le Nabi alayhi salam nous a montré. Mais ceux qui prennent comme argument ce qui est rapporté dans Surat Kaf, yani, j'ai entendu des savants, comme Cheikh Al-Muhsin Abbad, dire que ce n'est pas valable. Ce n'est pas dans son contexte. Wallahu a'lam. Ensuite, il a dit, rahimahullah, Tabarak alladhi bi yadihi al-mulk, wa innama yuqalu lil makhluq, barak allahu fi fulan, aw fulanu barak, aw tabarak, amma tabarakta, fa inna la tuslahu illa lillah. Wal-rabbu huwa al-ma'bud, wal-alamin al-makhluqatu kulluha min al-jinn wal-ins, wal-sama'i wal-ard, وهو ربها سبحانه وتعالى ورب الجميع وخالق الجميع جل وعلا. Et le Seigneur, c'est l'adoré. Et les mondes, ce sont les créatures, toutes, parmi les djinns et les humains et les cieux et la terre, le ciel et la terre. C'est lui leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de tous et de toutes ces créatures, le Créateur de toutes choses. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلق الجميع الذين قبلنا والذين بعدنا من آدم وما قبله وما بعده فهو خلق الجميع ليتقوه ويعبدوه كما قال تعالى لعلكم تتقون. Donc il a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum, dans le sens des versets, ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et vos prédécesseurs, ainsi atteindriez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait de la terre un lit et du ciel un toit. Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, a dit, Allah a créé toutes choses. Il a créé ceux qui nous ont précédés. Et il a créé ceux qui vont nous succéder. Et ceci depuis Adam alayhi salam. Il les a créés pour le craindre, subhanahu wa ta'ala, et pour l'adorer. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du verset, ainsi atteindriez-vous la piété. ثم بين سبحانه بعض افعاله فقال ensuite Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, a détaillé certains de ses actes. Il a dit, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Celui qui a fait de la terre pour vous un lit et du ciel un toit. Donc, il dit rahimahullah, il a fait du ciel une véritable construction et un toit protégé, comme dans l'autre verset. Et cependant, il se détourne de ses merveilles. Et il a décoré ce chef-d'œuvre par le soleil, la lune et les étoiles. Il a décoré cette création, à savoir le ciel, par les étoiles, par le soleil et par la lune, subhanahu wa ta'ala, wa anzala min as-sama'i ma'a, et fait précipiter de la pluie du ciel. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la pluie du ciel, c'est-à-dire ay min as-sahab, c'est-à-dire des nuages. Le ciel ici veut dire les nuages. Le mot sama en langue arabe, il a plusieurs significations. Et comment on sait laquelle est voulue? Selon le contexte. Selon le contexte. Comme ceci est valable pour tous les termes en arabe. Les termes qui ont une multitude de sens, on sait le sens voulu selon le contexte. Ici, la pluie descend du ciel, c'est-à-dire elle descend, la pluie, elle vient des nuages. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Et par elle, c'est-à-dire par cette pluie, il fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. أنواع الأرزاق في كل مكان ويحيي الله به الأرض بعد موتها. Il dit, Cheikh Ibn Baz, rahimallah, il a fait surgir par la pluie toutes sortes de nourriture en tout lieu. Et avec cette pluie également, il fait revivre la terre après qu'elle soit morte. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَيْ أَشْبَاهًا وَنُظَرَاءً تَعْبُدُونَهَا مَعَهُ لَا صَنَمًا وَلَا جِنًّا وَلَا مَلَكًا وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ. Donc il dit, subhanahu wa ta'ala, ne lui cherchez donc pas d'ego, alors que vous savez. Ne cherchez pas Allah, subhanahu wa ta'ala, des concurrents, ni des égaux, pour les adorer en même temps que lui, que ce soit une statue, ou un djinn, ou un ange. L'adoration doit revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala, seul. Il n'a ni égal, ni semblable, ni aucun être similaire à lui, subhanahu wa ta'ala. Il est la véritable divinité. Allah, subhanahu wa ta'ala, est la véritable divinité. وكان المشركون يتخذون له الأنداد والنظائر والأمثال من الأصنام والجن والملائكة ويعبدون من دون الله ويستغيثون بهم فأنكر الله عليهم ذلك وبين أن هذه المخلوقات ليس لها حق في العبادة ولا قدرة لها على شيء إلا بإذن الله سبحانه وتقديره إلا بإذن الله سبحانه وتقديره. Ensuite, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, les mouchriquins avaient pour habitude de donner à Allah des équivalents et des égaux et des concurrents parmi leurs statues, parmi le djinn et les anges, et ils les adoraient en dehors d'Allah, en cherchant secours auprès d'eux. Allah Azza wa Jal a réfuté leurs actes فأنكر الله عليهم ذلك. Donc Allah Azza wa Jal a blâmé leurs actes. Il les a réfutés, il les a réprouvés. Et il a montré que ce sont que des créatures qui n'ont aucun droit dans l'adoration. Et ils n'ont aucune capacité pour rien. Ils n'ont pas de capacité pour quelque chose, sauf avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et son destin. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره الخالق لهذه الأشياء من سماء وأرض وثمار وأشجار ومطر وغير ذلك هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وأن يطاع لأنه رب الجميع وخالق العالمين كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Donc l'imam Ibn Kathir رحمه الله a dit dans son tafsir Ibn Kathir, il a dit, celui qui a créé toutes ces choses est bien le seul à mériter l'adoration. Il est le seul à mériter l'adoration. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, l'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son tafsir, le créateur de toutes choses, à savoir le ciel, la terre, les fruits, les végétaux, la pluie et toute autre chose, est celui qui mérite en réalité d'être adoré, d'être obéi. C'est lui en réalité qui mérite l'adoration et l'obéissance, car il est le Seigneur de toutes choses et il est le Créateur de toutes choses, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le verset, dans son sens. Et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voilà la partie pour aujourd'hui. Et nous poursuivons, bi'idhnillahi ta'ala, demain, le reste de cette risala très bénéfique. La partie qui va suivre, dans laquelle l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, expliquera ce que c'est l'adoration. Car ça, c'est un point très très important. On finit avec cette fa'ida. Quand tu veux appeler quelqu'un au tawhid, une fois que tu lui as expliqué que l'adoration est le droit d'Allah, chose dont tu n'auras pas besoin de beaucoup d'efforts et de beaucoup d'arguments pour le convaincre. Même l'ami, le plus ami des awam, il va te dire, d'accord, na'am, il faut adorer Allah seul, il ne faut rien adorer en dehors de lui. Mais après, la lacune lui vient d'où ? Lui vient de l'ignorance de ce que c'est l'adoration. L'ignorance de ce que c'est l'adoration. Lui, quand il invoque le mort, il ne s'imagine pas qu'il l'adore de cette manière et qu'il l'a mis au même pied d'égal qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait de lui un égal à Allah. Car vouer une adoration à quelconque créature, c'est l'élever au statut d'Allah. Il y en a le statut d'Allah, c'est lui le seul qui mérite l'adoration. Donc c'est pour ça, c'est très important, quand on appelle les gens au tawhid, de leur expliquer que l'adoration c'est le droit d'Allah Azzawajal, seul, sans rien lui associer, que ce soit une créature parmi ces créatures pieuses, ou parmi ces créatures déviantes. Parce que, à notre époque, malheureusement, il y en a qui adorent des pervers et des déviants, comme Al-Badawi. Al-Badawi, cet homme-là, vers lequel se mobilisent énormément de gens, de partout, du monde en entier. Et c'est un événement, ils disent, aussi important que le pèlerinage. Cet homme, qu'est-ce qu'on connaît de lui dans sa biographie? On connaît deux points. C'est tout. On ne sait pas où est-ce qu'il a demandé la science, chez qui il a appris sa biographie. On ne connaît rien. On connaît deux points. Et ça, c'est ses suiveurs et ses adeptes qui disent ça. Ils disent qu'il n'a jamais prié une seule raka'a pour Allah Azza wa Jalla. Et pour eux, ça, ils le citent dans le contexte de l'éloge, en parlant de ses vertus, de ses mérites. Il n'a jamais prié pour Allah. Et le deuxième point, un jour, il a uriné dans la mosquée. Ils lui ont dit, va prier. Il est rentré dans la mosquée, il a uriné, il est sorti. Qu'Allah nous préserve de l'égarement, qu'Allah nous raffermisse dans le tawhid et dans le sunnah de Nabi alayhi salam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.